33e chapitre. Marie, suite. La Fontenelle n'était pas fâchée, toutes les fois qu'il se trouvait seul avec Marie, de lui répéter que, dans les guerres de la Ligue, il avait toujours agi avec bravoure et loyauté. Il lui avait donc dit que si elle entendait raconter de lui quelque méchante action, de ne point y croire, qu'elle pouvait être persuadée que tous ses mensonges n'étaient inventés que par ses nombreux ennemis. Comme on le voit, l'héritière ignorait à quel homme elle avait lié son sort. Où l'aurait-elle appris? Guyader avait défendu à tous les siens de ne jamais parler devant sa femme ni de ses faits de guerre, ni d'aucune de ses autres actions. Monsieur et madame de Mézarnoux, qui, en cette circonstance, avaient approuvé sa conduite, se seraient bien gardés de troubler par leurs révélations le bonheur de leur enfant. D'ailleurs, depuis que Marie habitait Coadélan, elle ne fréquentait aucune famille noble des environs. Elle y vivait entièrement retirée, ne s'occupant que de son jardin et cultivant la peinture dans laquelle elle excellait. Elle connaissait à peine les événements qui avaient eu lieu en Bretagne pendant la guerre. Elle savait seulement que Mercœur et La Fontenelle avaient été les deux plus puissants soutiens de la Sainte-Union et de la cause catholique. Dès son enfance, il est vrai, elle avait entendu parler par son père et sa mère de la perversité de son cousin, mais elle n'avait jamais soupçonné de quelle nature pouvaient être les fautes qu'il avait commises. Elle croyait que sa conduite n'avait pas beaucoup différé de celle des autres partisans de cette époque. La Fontenelle ne l'avait jamais entretenu que des sièges de l'île Tristan et des attaques contre Quimper. Le cœur honnête de Marie eut défailli en écoutant les désastres de Plogastel, de Pinmar et de Pontcroix, et jamais elle n'eût voulu croire à de semblables horreurs. Dans la situation où se trouvait La Fontenelle, il lui était facile de cacher son passé. En effet, il n'habitait plus le pays qu'il avait ravagé et où il était en exécration. Il n'avait point exercé ses rapines dans la paroisse de Pratt et personne dans les environs de Coadélan n'avait eu à se plaindre de lui. Aussi, depuis son mariage, voulant faire taire les bruits qui couraient sur son compte, il agissait de manière à se faire aimer de tous ses voisins et de tous les paysans des environs avec lesquels il feignait une grande bonté. Par son adresse, il arriva à se faire chérir de ses vassaux et de tous ceux avec qui il avait des rapports. Il fut bientôt une providence pour les malheureux qu'il employait à Coadélan à toutes sortes de travaux, et jamais il ne lui arrivait d'en rebuter un seul. Quant à ses anciens compagnons d'armes, lorsqu'ils venaient le visiter, il les recevait magnifiquement et ne les renvoyait qu'après leur avoir fait des largesses et des présents pour qu'ils le publiassent partout. La mémoire de La Fontenelle à Tréguier est encore populaire, a dit notre savant compatriote M. de Pingerne dans la biographie bretonne, et ce qu'il y a de bien étonnant, c'est que les chants du pays sont tous à sa louange. Les familles qu'il avait ruinées et ceux à qui il avait fait essuyer tant de maux étaient maintenant éloignés de lui. « Oui, ma bien-aimée, continua La Fontenelle, je veux que longtemps après moi, les jeunes gens de Lannion, de Tréguier et de Pratt parlent souvent du baron de La Fontenelle, seigneur de Coadélan et de Trébriand. « Et gouverneur de Douarnenez, ajouta Marie avec une sorte de fierté. « Oh, laissons là ces titres qui ne sont rien pour moi !» s'écria Guyader. « Je te l'ai dit, je suis descendu de trop haut pour que la place que le Béarnais m'a faite me convienne. Qu'il reprenne, s'il le veut, ses grades et ses brevets, mais au moins qu'il respecte le fort inexpugnable que j'ai élevé sur la ride rocher de l'île de Tristan. Quoique les bruits de démolition prennent un grand accroissement, cependant je ne puis croire que le roi en vienne à cette extrémité. L'injure serait vraiment trop forte pour moi. » À quoi bon alors ces lettres d'abolition, le titre de capitaine de 50 hommes et la dignité dont il m'a revêtu? Ce serait payer d'une manière bien outrageante ma soumission. S'il veut m'enlever mon gouvernement, eh bien, qu'il me le fasse savoir franchement, ma démission lui sera aussitôt remise, mais qu'il laisse subsister ses fortifications devant lesquelles sont venus échouer sur des hacks les plus fameux capitaines de la Bretagne. Ne sont-ce pas eux, mon ami, qui, par dépit, et en souvenir de leur défaite, demandent au Béarnais la destruction de ce fort? Oui, Marie, si ces fortifications sont rasées, elles ne le seront qu'à l'instigation du gouverneur de Brest et de ceux qui, comme lui, ont vu ternir leur gloire devant Douarnenez. Ils ne peuvent songer sans frémir de rage aux échecs qu'ils ont essuyés, et pour le moment, ne pouvant s'en prendre à celui qui les a vaincus, c'est aux murailles qu'ils s'attaquent. Ils veulent que les pierres qui ont servi à protéger les braves ligueurs, qui les écrasaient sous leurs arquebusades, ne s'élèvent plus au-dessus de la baie et qu'elles se confondent avec les galets des grèves. Quoi qu'il arrive, sois sûr que jamais, tant que je vivrai, je ne laisserai abattre mon fort sans m'y opposer de toutes mes forces. Si je suis prévenu à temps, ajouta la Fontenelle avec une terrible énergie, je suis décidé à le défendre contre le roi lui-même et à m'ensevelir sous ses décombres plutôt que de souffrir sa démolition. À ces paroles, tous les traits du visage du partisan exprimèrent une colère aussi furieuse que Marie en demeura épouvantée. « Et moi ? » s'écria-t-elle tout émue. « Je ne vous laisserai pas partir seule de quoi des langues y aidèrent. Je vous suivrai à l'île Tristan, et si je ne puis vous faire abandonner vos projets de résistance, je saurai mourir avec vous. »« Non, tu ne mourras pas, ma bonne Marie !» dit la Fontenelle avec une émotion dont on ne l'aurait pas cru capable. « Tu vivras, et moi aussi. La forteresse de l'île Tristan restera debout. Tel est mon espoir. » En cet instant, tous deux se levèrent de table. La Fontenelle prit amoureusement le bras de l'héritière et descendit avec elle dans les jardins de Coadélan. Des larmes coulaient le long des joues de la jeune femme. Elle tremblait à la pensée que son mari n'exécutât la menace qu'il venait de faire, de soutenir un dernier siège contre le roi de France.